Ah, que mon vers se fasse à tous les vents l'écho de tout ce qui suivit le cours d'un calme flot, et qu'il s'en aille au gré de la mémoire folle de tout ce qui retient encore ma parole, vers on ne sait quel songe inexprimable et clair, où l'amour, en l'amour, infiniment se perd.